Alors pour l'instant, difficile de dire exactement les effets sur ces populations d'amphipodes, en partie parce qu'ils vivent si profond qu'on ne peut pas les remonter vivants pour les étudier en laboratoire. Mais on sait que les PCB particulièrement affectent la capacité reproductive, et donc l'espèce décline en quelques générations. Donc ça doit être de cet ordre-là. Et encore une fois, le problème à ces profondeurs, c'est que nous n'avons pas un siècle de données en biologie marine déjà disponibles. Nous n'avons rien. Alors même si on pouvait les remonter en laboratoire, on ne sait pas quel est leur état naturel. Donc c'est déjà trop tard, et c'est ce qui est triste. En France, la suspension de l'utilisation du docetaxel, c'est ce médicament générique utilisé notamment contre le cancer du sein, est suspecté d'être responsable de la mort de plusieurs patientes. En effet, l'Institut Curie a annoncé arrêter son utilisation et l'Agence nationale de sécurité des médicaments a ouvert une enquête après 6 cas d'effets secondaires graves depuis l'été dernier, dont 5 qui ont tué les patientes. Ce sont des entérocolites, autrement dit de graves infections du système digestif, déjà signalées en 2012 et qui pourraient être dues à la molécule même anticancéreuse, le docetaxel, ou bien à son générique fabriqué en Inde. Alors il n'y a pas de retrait du marché pour l'instant, mais la rapidité et la toxicité des cas inquiètent la ANSM. Les résultats de l'enquête le 28 mars. Un certain flou, mais finalement la société Carmat restera bien en France. Oui, le fabricant de cœurs artificiels l'a bien annoncé dans sa conférence de presse du 14 février. Pas d'inquiétude de délocalisation. Au mieux, essayait-il de recruter des patients aux États-Unis. Quant au cinquième décès, il serait bien dû là à une erreur de manipulation du patient lui-même. Et quelle erreur! En voulant changer ses batteries externes, il aurait enlever les deux et provoquer l'arrêt de l'appareil. On en parlait la semaine dernière et c'est une nouvelle victoire pour l'intelligence artificielle, victoire toujours plus perturbante, hein, Xavier, celle de DeepMind de Google qui est un peu agressif. En effet, très troublante cette victoire parce que cette fois-ci, le match mettait aux prises non pas une intelligence artificielle face à des humains, mais deux intelligences artificielles concurrentes. Il y avait un jeu de proie et de prédateur qui consiste tout bien à collecter le maximum d'objets en utilisant au besoin un rayon laser pour détruire l'adversaire, ou bien à chercher à échapper à deux autres intelligences adverses, un peu comme un Pac-Man poursuivi par des fantômes, et les résultats sont effectivement inquiétants. L'intelligence artificielle recherchera ainsi la coopération avec l'autre en situation de faiblesse, et lorsqu'elle en aura les moyens, elle cherchera à maximiser ses chances de gagner en maximisant celle de détruire l'adversaire, très agressive, commande Skynet, Google. Et pour finir par la science improbable de la semaine, en cette semaine de Saint-Valentin, un sujet qui vous a passionné, Xavier, la sexualité des mouches. Oui, une étude publiée mercredi sur la Lucilia sericata, la fameuse mouche verte des cadavres et de la chanson des inconnus. En filmant leur battement d'ailes à 15 000 images par seconde, les chercheurs se sont en effet aperçus que l'excitation sexuelle du mâle était étroitement liée à la fréquence de ces battements. En fait, elle détermine complètement le choix du partenaire sexuel parce qu'elle renseigne sur le sexe et l'âge de la mouche. Celle de la femelle jeune bat à 178 Hz, 178 battements par seconde. En fait, c'est la lumière qui est réfléchie par les ailes qui vient littéralement taper dans l'œil et les photorécepteurs de la mouche mâle et qui produit l'excitation sexuelle, 178 Hz, donc c'est la référence et le summum de l'érotisme chez la mouche. Si on empêche la femelle de clignoter, le mâle reste stoïque. Par contre, si une diode émet une fréquence à 178 Hz, je vous laisse imaginer, Nicolas. Eh bien non, pas du tout, je n'imagine rien. En revanche, je vais vous laisser retourner à votre summum d'érotisme entomologique et on vous retrouve la semaine prochaine, Xavier. Romain Lucaso, Serge Lehmann, dans ce que vous venez d'entendre, il y a des choses qui vous ont inspiré, l'agressivité de l'intelligence artificielle, des composés organiques sur Cérès, Romain Lucaso. Alors, dans mon roman, à un moment donné, il y a une histoire d'hydrogène métallique qui sert à faire des énormes boulets de canon pour détruire des ennemis à distance. Je ne sais pas exactement quel est le procédé pour les faire, par contre. Ben vous voyez, apparemment, les scientifiques non plus, puisque ça prête à confusion. Serge Lehmann, il y a des choses qui vous ont fait réagir? La femelle clignotante est même assez mémorable. Je vais en faire quelque chose. C'est... La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15, vous écoutez France Culture. Nous allons parler au cours de cette heure de l'impressionnant roman de Romain Lucaso, Latium, qui est publié chez De Noël dans la collection Lune d'encre, en compagnie de Serge Lehmann, qui était écrivain, scénariste et critique notamment. Pour commencer, vous n'êtes pas tout à fait en fait des inconnus l'un pour l'autre. C'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute dans ce studio, Serge Lehmann. Ben, on se connaît comme se connaissent les...